C'est pour les filles, c'est pour les gars, c'est pour ceux et celles qui connaissent la musica. Le mic Razi, FUL de Mika. Yo, yo, ça fait, ok. Toi qui débarque sur le voile des sœurs, c'est le Mike alias la Pfizer. Qui frappe pour ravisseur, vos bâtisseurs. Mon rap c'est pire des coups de barre de fer. Des flèches dans le cœur si t'es pas mon frère. Des pêches dans le turf si tu squattes la pierre. C'est plus l'heure de monter où tu sais mon frère. Ils aiment bien dégoûter nos mères, exploiter nos pères, convoiter nos terres, nous tremper dans leurs commentaires. Si c'est ça qu'ils préfèrent, on va pas les laisser faire. On fait confiance qu'à notre maître d'univers. N'oublie pas le revers de la médaille, mon frère. Le message est clair, on leur laisse la terre. Y'a du fric à faire, mais c'est pas en euros. Pour ce chiffre d'affaires, faut sortir les crocs, hein.